ese de la barba es el único que nos mira un poco a nosotros, un poco a los... La barba, que es... Se ve que es una noche que no hay estrellas ni luna. Toda la luz está lograda por el efecto del petróleo o no sé qué, el aceite que tienen en esa caja el ejército. Zweite Mal. Klar. C'est ce qui s'appelle faire la liaison. De voir autre chose que toi-même, et ben tu as envie de faire des trucs. Alors que dans un village, à part ta télé le soir, qui t'aboutit complètement, et puis tu n'as rien d'autre. Tu finis par ne plus me poser de questions. Bon. Puis de ce petit village de Normie, où vous trouvez trouverez toujours les citoyens d'une cité qui, à l'exemple de leurs ancêtres, besognent durement pour leur foyer et leur pays. Plus habiles, certes, au labeur des champs, qu'à pratiquer de belles paroles, et en somme, vous pourrez pas. I don't know any Shakespeare. Why do you say that? I don't know. Because I think you do. Or because I love Très tôt, j'ai été porté sentimentalement vers les sons et vers les images qu'ils trimballent. S'il y a une résonance avec l'autre, alors vu, je me laisse par... Ici, on est à 26 milles. S'il y a une possibilité qu'il y ait une relation sympa qui se propose. Ici, c'est le haut du village. Je ne pense pas qu'il y ait une relation sur le monde, plutôt après. Là, l'émotion de joie, c'est le corps qui respire, qui vit. Non, parce que j'ai le sens des réalités. Lecker, 2 Ausgänge. mit dieser Spur, Maschine unmöglich. Mhm. Unmöglich. Ja. J'introduirai bien mon thème. Thank you. Thank you.